On se bat pas pour entrer dans le ciel, mais on se bat pour y croire qu'on est déjà dans le ciel. The Bible said that the just shall live by faith. That's not earthly. That's heavenly. Et la Bible dit que les justes, eux, ils doivent vivre par la foi, à travers la foi. That is not natural, that's supernatural. To live by faith. Et ça, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Vivre avec la foi, dans la foi. Praise the Lord. Alléluia. God kind of supernatural. Jésus-Christ, Dieu est vraiment surnaturel. What Christ calls supernatural. Ce que Dieu appelle, ou Jésus-Christ appelle surnaturel. Just like his own kind of love, joy, peace. Have his own kind of supernatural. Il a sa propre manière d'être surnaturel, comme il a sa propre manière d'avoir sa paix. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Let us go to John 14. Jean 14. Verse 27. Johannes 14, 27. Jean 14, 27. It's a peace I live with you. Amen. Peace I live with you. My peace I give unto you. My peace. His supernatural peace. Sa paix surnaturelle. You know, the natural peace come and go. La paix naturelle, ça vient et ça part. Because it's based on news. Parce que ça dépend de les circonstances que tu as. It's based on feeling. Ça dépend de tes sentiments. It's based on what you see. Ça dépend de ce que tu It's vois. Based on what people tell you. Ça dépend de ce que les gens te disent. It's based on five senses. Donc c'est basé vraiment de tes cinq sens. Praise the Lord. Mm-hmm. The natural peace come and go. La paix naturelle, ça vient et ça part quand ça veut. But what kind of peace? Which is Christ's peace that he is talking about here. It's supernatural. Mais la paix de Dieu, c'est vraiment surnaturel. And it is untouchable. Not you can change it. If you really understand it, how to live it. Et personne ne peut le toucher, personne peut le changer. Dès que tu le comprends, c'est fini. If you can understand it, you can know it. Satan will be afraid of you. Dès que tu le comprends, le diable aura peur de toi. Because it's not based on any news, any report from the doctor. Are you getting it? Parce que ça dépend pas des nouvelles de docteur. You know somebody like Paul. Quelqu'un comme Paul. For me to live is Christ, to die is gain. Il disait que mourir c'est Jésus-Christ et vivre c'est Jésus-Christ et mourir c'est une victoire pour lui. And somebody like that, Satan is confused about him. Et une personne comme ça, le diable ne lui comprend pas. There's nothing I can use to threaten him. Parce qu'une personne comme ça, il n'y a rien que le diable peut utiliser pour le déranger. Menacer. Tu ne peux pas menacer sa paix. Are you getting it? I cannot stop it. In a second, I cannot stop it. Praise the Lord. Alléluia. Jesus is the one speaking here. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Jean 14, 27. It's a peace I live with you. Peace. Je pars, mais je vous laisse la paix. My own kind of peace. C'est ma paix que je vous ai donnée. My peace I give unto you.

he loves you. Rappelle-toi de quelle manière Dieu t'aime. All those things that give you headache, that make you sad, that you know, but people can just see you and just know that there's problem. Should never be. Sein. Donc tous les problèmes que tu vois, ça ne doit jamais te attrister. Allow first the Holy Spirit to help you to understand. Amen. Yeah, we just read. Demande au Saint-Esprit de t'aider à de comprendre ce message et ce verset. Let me go forward. Jean 14, 27. Amen. My peace I give unto you, not as the world give it. Also my joy. Auch meine Freude. God is on joy. Or ma joie. Kind of joy. Il a sa propre joie. The Bible said the joy of the Lord is our strength. La Bible dit que la joie de Jésus-Christ, c'est notre puissance, c'est notre force. It means if you really know him and you have, if you have him and you know him, your joy is 24/7. It's unchangeable. Nothing can change it. Donc, dès que tu lui comprends, tu comprends sa paix et tu as ta relation avec lui et son amour. Là, ta joie, ça sera 24/24. You know why it's always here and there. Today, you are full of it, tomorrow no. Est-ce que tu sais pourquoi ça change Because toujours ta paix et ta joie? C'est parce que tu ne crois jamais dans ton cœur. You know, you can say it now, you believe, but the next minute, tomorrow, you know, things are going to come. Are you still going to remember that you know how much he loves you? Quand tu auras de problèmes, est-ce que tu vas toujours être capable de te rappeler de la manière laquelle il t'aime? I'm not talking about the love of the natural parents. Je ne parle pas de l'amour naturel de tes parents naturels. Because they did not die for you. Parce qu'ils sont même pas morts pour toi. I'm talking about how Christ loves you. Moi, je parle de l'amour de Jésus-Christ. He left heaven because of you to come here. That should tell you how special you are. Il a laissé le ciel pour venir mourir pour toi ici, et c'est ça que tu dois te rappeler. Praise the Lord. Alléluia. You know, bills. You know, here in Europe, bills are really problems. Ici en Europe, les factures sont vraiment un grand problème. In Nigeria, it's not so much because you don't pay for. You know, there are a lot of things you don't. People don't just pay. Just little. En Afrique, par contre, c'est pas. Il y en a pas vraiment beaucoup des factures. Comme ici. You know, we were in Nigeria. We did not even see any postman bringing letters of this to the people there for months that we were there. Quand on était en Nigeria, on n'avait même pas vu quelqu'un qui vient de la poste qui nous donne des lettres et des factures. A week you are not at all. Go to your letterbox. Then you know that you are really here. Mais ici en Europe, dès que tu n'ouvres pas ta boîte postale une semaine, tu vas avoir beaucoup des lettres, des factures. Praise the Lord. Amen. The supernatural of Christ. Les surnaturels de Jésus-Christ. It is he has paid all. Ça signifie qu'il a tout payé. And that is our joy. Et ça, c'est notre joie. If we have his life, quand on a sa vie, our bills come to him. And they have been paid. Amen. Quand on vient de Jésus-Christ, ça signifie que tous nos factures ont été déjà payées par lui. It is not the bills are not much. That is the victory. I don't know if Notre victoire, c'est pas le montant de la facture. Is there any money he cannot pay? Est-ce qu'il y a un montant que lui ne peut pas payer? You know, the money is not much that they charge me.

That's how we function. On fonctionne dans sa sagesse à travers what he called the truth. Quand on commence à croire à sa parole, ce que lui il dit il appelle la vérité, ce qu'on doit comprendre. Not what denomination called the truth. Nicht das, was everybody says the truth. Praise the Lord. Et pas ce que le monde appelle la vérité. Isaiah 11. Go to Isaiah 11, please. Isaiah 11. I hope you read this. The other, some weeks ago, I said you should read it. Amen. This is Isaiah 11. C'était votre devoir. J'espère que vous avez lu. It is good, you know it. Amen. Isaïe 11 est vraiment important. Vous devrez le connaître. Look at 1 and 2. 1 et 2. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of the root. It's talking about Jesus Christ. Il parle ici de Jésus-Christ. 1 à 2. And the spirit of the Lord shall rest upon him. And you know the spirit of the Lord. And l'esprit de l'Éternel. And what are the spirit of the Lord? C'est quoi l'esprit de l'Éternel? The spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel, the might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Geist der Weisheit. That's the spirit. These are the spirit of the Lord. Geist des Verstandes, Geist des Geist der Kraft und Geist der Kenntnis. Le discernement, la sagesse, le conseil à la et la force, il lui fera connaître et craindre l'Éternel. C'est ça l'esprit de l'Éternel. You know, this is the spirit of Christ. Telling you this is the spirit of Christ. Et ça, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Inside him. Amen. Inside Jesus. Ça, c'est l'esprit qui est dans Jésus-Christ. All these spirits are inside him. Ces esprits ici sont dans Jésus-Christ. And Christ is inside you. Amen. Et Jésus-Christ, maintenant, il est en nous. It means you already have all these spirits. Amen. Ça signifie qu'on a déjà tous ces esprits. Parce que lui, il a déjà tous ses esprits. Automatiquement, on a ça aussi. Amen. C'est pour cela qu'on ne prie pas pour avoir la sagesse. On ne lui supplie pas. In 1 Corinthians 7, verse 17, the Bible says that you are joined unto the Lord. Dans 1 Corinthiens, il est écrit qu'on est une personne avec Jésus-Christ. He said, he that is joined unto the Lord is one spirit, not two spirits. Il est écrit que la personne qui est avec Jésus-Christ, qui est avec Jésus-Christ, est une personne avec lui et pas deux personnes. It means you have all these spirits already. Ça signifie qu'on a tous ces esprits là en nous. Are you getting it? Amen. Except if you are not safe, you better pray to be safe. Receive Jesus as your Lord and Savior. Allow him to come. Sauf si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'es pas encore tu n'as pas encore le salut. Amen. Allez. No wonder Jesus said this saint shall follow them that believe. Et c'est pour cela. Et c'est pour cela en Marc 16, on lui aussi les voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en son nom. Et il dit que dans son nom, on sera capable de faire toutes ces histoires qu'il a citées en Marc 16. In John 14, he said, you are in him, he is in you. En Jean 14, il a dit que nous, on est en lui et lui, il est en nous. Look at Isaiah, this Isaiah 11 again. Verse 2, this time verse 2 and 3. Isaiah 11, 2 et 3. He said, and the spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding. The spirit of counsel and might. The spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of the... Is this one different from you today? Hmm. I don't know if somebody is getting it. Amen. He's just talking about you. Yes. Ici, il parle de nous. For you, it's not about outside. It's about the spirit. Pour nous, il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit juste de l'intérieur. Praise the Lord. It's just talking about you. Il parle de nous ici. You don't see the outside, you see the spirit. On va pas juger l'extérieur, on va juger l'intérieur, l'esprit. You judge not the flesh but the spirit. On juge pas la chair, c'est l'esprit qu'on est en train de juger. Praise the Lord. Alléluia. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. His resurrection is supernatural. Seine Auferstehung ist übernatürlich. Sa résurrection est surnaturelle. Which is which is our salvation. That's his resurrection. Das ist seine Auferstehung. Sa résurrection est notre salut. It means we were once dead, but now we are alive. Ça signifie qu'on était mort et maintenant on vit. You were once dead, but now you are alive. Having Christ, it means you are alive. Et dès qu'on a reçu Jésus-Christ, on est en vie. Remember John 10:10. The thief came not but to steal, but I have come to give you life. You now have his life. That's resurrection. Know what he calls supernatural. Maintenant qu'on a, on doit comprendre ce que Dieu appelle surnaturel. Dès qu'on a sa vie, on est. That does not mean the natural supernatural will not follow you. Those things they are to follow you, and not you following them. Are you getting something? Et le monde surnaturel, ça va nous suivre, ça va courir derrière nous et pas le contraire. C'est pas nous à le chercher. Praise the Lord. Oh, yeah. Praise the Lord. Oh, yeah. Remember John 11. Rappelle-toi de Jean 11. He said he's not just going to raise up the dead, but he is the resurrection. Il a dit qu'il ne va pas seulement ressusciter les morts et lui, il est la Then it's all kind of prosperity. La résurrection. It's all kind of prosperity. Il a sa propre manière d'être, sa propre manière de richesse. Il veut qu'on puisse avoir sa vie, vivre sa vie. You are never poor. On n'est jamais pauvre. Amen. Vu qu'il n'y a pas de pauvreté au ciel. Yesterday, we were in Genesis 39. Remember, those of you that were with us. Amen. Genesis 39. Hier, on a lu Genèse 39. When Joseph was called a prosperous man, though he was having nothing. Mm-hmm. Quand Dieu avait appelé Joseph un homme très riche, malgré il n'avait rien. Physiquement, il était pauvre. On n'est jamais pauvre. Quand on a Jésus-Christ, on n'est jamais pauvre. Joseph était un esclave, il n'avait rien. La Bible dit qu'il n'était jamais pauvre parce qu'il était vraiment un homme riche, selon la Bible. The Lord is not just your provider, he's your wealth. Jésus-Christ, il est notre richesse. He is your wealth, he is your prosperity. That's why if you have him, you're

Jean 6, 32. Look at verse 46. 46. He said, not that any man has seen the Father, save he which is of God. He has seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. I am the bread of life. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Two bread from heaven. Il y a eu deux pains différents du ciel. Une qui donne la vie et l'autre ne donne pas la vie. They are so different. They are like day and night. C'est vraiment différent comme jour et nuit. That's where churches have problem to the pastors, preachers. C'est pour cela qu'il y a des églises qui ont des difficultés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne comprennent pas la différence. It's not about the word of God, the word of God, the word of God, the word of God. It's about what, you know, it's about the word of Christ. Amen. Il ne s'agit pas de la parole de Dieu, il s'agit de ce que Jésus-Christ a dit, de sa parole. Praise the Lord. Alléluia. John 6:63. He said, it is the Spirit. Jean 6, 36. 63 now. It is the Spirit that keeps me. 63, the flesh profited nothing. The word that I speak, my word. You know, he's making something separate. 63, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Amen. Ici, il nous explique que sa parole, ça fait la différence. Amen. If you look at religion today, it's full of the word of Moses. Don't look at everything. Look at today's. Quand on regarde toutes sortes de religions, he's full of the word of Moses. Sont remplis de l'Ancien Testament. Amen. But not the word of Christ. Ils sont remplis de la parole de Moïse et pas de Jésus-Christ. Et là, il y a une grande différence, comme on vient de voir. Praise the Lord. Amen. Just have some few minutes more. Amen. If you keep on hearing Moses, the Holy Spirit cannot work under Moses. Quand tu continues à écouter Moïse, le Saint-Esprit ne peut pas travailler à travers Moïse. C'est pour cela qu'il y a la différence entre les églises. Christ's world is a mystery. Le monde de Jésus-Christ est un mystère. And we need, you know, that's why Jesus, when he was about to leave. If you go to John 16, let's go there. Quand on part en Jean 16. John 16. Amen. The Holy Spirit cannot work with Moses' word. Because it's not life, it's death. It's only Christ is life. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher, travailler avec la parole de Moïse parce que ce n'est pas la vie, c'est la mort. Il peut seulement travailler avec la parole de Jésus-Christ parce que seule la parole de Jésus-Christ est la vie, donne la vie. We read from, let me see. From 5. Amen. So that we can get it better. Amen. Jean 16, verset 5. Jesus here is introducing the Holy Spirit to us. Jésus nous présente le Saint-Esprit. Because the word of Christ is all word. They are all mystery. Parce que sa propre parole, c'est un mystère. Praise the Lord. C'est trop secret. If you go to Mark 4, if you leave here and go to Mark 4, Jesus talks about the mystery. He said the kingdom of heaven is a mystery that needs to be revealed. Il dit que le royaume des cieux est un mystère. Look at verse 5. It said, but now I go my way to him that sent me. And none of you asked me without going down. But because I have said these things unto you, sorrow has filled your heart. Amen. Amen. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Somebody getting something. Amen. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de celui que je vous ai dit, de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. The whole of the Holy Spirit was inside Jesus. Le Saint-Esprit était dans Jésus-Christ. In Old Testament, come and go. Dans l'Ancien Testament, il venait et il repartait aussi. Amen. He said, if I don't go, he will not come. He will not have him. You cannot have him if I'm still here with you. But you need him. Amen. Jésus-Christ, il a dit que si je ne pars pas, vous ne pouvez pas rester avec lui. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, c'est évident que je puisse repartir. Amen. And when he is come, verse 8, he will reprove the world of sin. He will help you to know what sin really is. The meaning of sin, what sin is. Il va nous expliquer la signification du péché. Because what religion calls sin is not what I call sin. Are you getting something? Parce que ce que la religion appelle péché, c'est pas ce que Jésus-Christ appelle péché. Amen. Amen. And of righteousness. What righteousness means? Et ce qui la signification d'être juste du jugement. That righteousness is not giving people money, no, adopting children. No charity. Parce que ce qui est juste, ce n'est pas la charité, par exemple. They fill them with evil. Menschen versuchen so ihre Gerechtigkeit zu finden, aber das ist bösartig. L'homme essaie d'être juste faisant la charité. Are you getting it? Caritas, for example. They are so evil. Das sind alles bösartige Organisationen. Ce sont des organisations qui ne viennent pas de Jésus-Christ, qui n'ont pas sa définition. Of righteousness. You know, devil, the Muslims, they build a hospital, they build schools for people. You know, I see. That is what they call righteous. Die auch ihre Gerechtigkeit tun, indem sie versuchen, Schulen oder Krankenhäuser zu bauen. Même les musulmans, eux aussi, sont en train de faire des charités, d'adopter les enfants, de donner de l'argent. Être là pour les gens. Amen. Ok. Amen. C'est la victoire. La victoire est ce qui est juste. Ce n'est pas ce que toi tu fais, mais c'est ce que Jésus-Christ a fait pour les gens. He said the Holy Spirit will help us to know what righteousness is. The meaning of righteousness. That is, believe me. Depend on it. Le Saint-Esprit va nous aider. Let everything be me. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est juste devant Jésus-Christ, devant Dieu. And of judgment. Of judgment. Who what to judge? Et du jugement. Not outside, but the spirit. Are you getting something? Au sujet du jugement, qui ne s'agit pas de l'intérieur, de l'extérieur, mais il s'agit de l'intérieur. À travers du Saint-Esprit, on est en train de juger l'esprit et pas la chair. Verse 13. Look at verse 13. It's how big when 13. He is come. When he, the Spirit of Truth, is come, that is the Holy Spirit. It's called the Holy Spirit. You know, the Holy Spirit have a name, which is the Spirit of Truth. Amen. And not the Spirit of Lies. En verset 13, on voit que le Saint-Esprit a un nom, et son nom, c'est l'Esprit de la vérité, et pas l'Esprit de mensonge. His name is also Holy Spirit, because he is not the Spirit of evil. Amen. It's not evil spirit, it's Holy Spirit. Sein Name ist auch heilig, weil er heilig ist und nicht bösartig. Son nom c'est aussi saint, comme Saint-Esprit, saint, parce que son, parce que c'est un esprit qui est saint et pas démoniaque. He said he will guide you into all truth. All. Et il va nous, montrer, nous expliquer toutes les vérités. Amen. He said he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear. And that's why you have to be careful what is coming out or what you are listening to, because the Holy Spirit also listens. He hears things. He hears words. And he's going to work with things. Il est écrit car il ne parle pas de lui, mais de lui-même. Donc ça signifie on doit aussi être. C'est pour cela qu'on doit faire aussi attention de ce qu'on est en train d'écouter, parce que le Saint-Esprit écoute ça aussi à travers nous. Demon spirits are also there everywhere. Les démons sont aussi partout. Bösartige Geister. And they hear also. Und sie hören auch. They listen to you. Sie hören uns zu. Les démons, ils écoutent aussi. Praise the Lord. Ils sont partout. You know, you cannot separate the Holy Spirit from Christ. Du kannst den Heiligen Geist von Christus nicht trennen. Tu peux pas séparer le Saint-Esprit de Jésus. And that's why I said he cannot speak of himself. Deswegen kann er auch nicht von sich selbst sprechen. C'est pour cela il parle, pas de lui-même. It's not Christ without the Holy Spirit. It's not Holy Spirit without Christ. Any Holy Spirit without Christ, that is Satan. Christus ist dämonisch. Chaque Saint-Esprit sans Jésus-Christ est démoniaque. Are you getting it? Amen. You know, that's why I say he can't, he will not speak. He shall not speak of himself. Il parlera pas de lui-même. Amen. Il parle que de Jésus-Christ. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. We want to know things to come. Yeah, Jesus just said, cause the Lord says. Mais tout ce qu'il aura entendu, il te dira et ils annonceront les choses à venir. Verset 14. He shall glorify me. The Holy Spirit glorified Jesus Christ. Amen. And not the flesh. Le Saint-Esprit manifestera Jésus-Christ et jamais la chair. If you are going to your the reason why you are going to that job is all about the flesh. The Holy Spirit is not there. Si tu pars dans un travail et il s'agit de ta de la chair, le Saint-Esprit ne travaille pas avec toi. Praise the Lord. For he shall receive of mine and shall show it unto you. All things that the Father had are mine. Therefore, said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. That's how I know all this message. Amen. Et moi, j'ai la vérité à travers la puissance du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. What he hears. Ce qu'il écoute. What he see. Ce qu'il voit. He hears something. He see. He see your motive. Is it Christ? Il voit ton motif. He sees your value. What you value. Ce que tu trouves important. He sees them, he's here then. Il voit ça et il écoute ça aussi. If they are not Christ, he can do nothing. Et si ton vœu, dans ton vœu, il ne s'agit pas de Jésus-Christ, là, il ne peut rien faire. You know, you may be believing Christ for million. If you are believing Christ for million. For example, why do you need it? What is your motive? What is your value? Si tu crois Jésus-Christ, par exemple, pour un million, le Saint-Esprit va se demander pourquoi tu as besoin de ça, pourquoi tu veux ça. Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ ou de ta propre chair et de ton vœu? You know, Jacques 4. John 16 just help us to know that it's just about Jesus Christ and nothing else. Donc dans Jean 16, on voit et on a lu qu'il s'agit que de Jésus Christ là dedans. Because you have to go home on time. Amen. James 4. Amen. Praise the Lord. Jacques 4. Mm-hmm. James 4. Amen, verse 3. Jacques 4, 3. He said, you ask, you receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Oui, bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Your motive, your value is in Christ. Est-ce que ton motif est Jésus-Christ? Remember Deuteronomy 8, 18. He said, why you want to have that wealth? Rappelle-toi de Deutéronome. To bring you people to himself. On va avoir toutes ces richesses par rapport à son alliance pour emmener les gens, ramener les gens vers lui. On va continuer dimanche. Amen. Christ's world is supernatural world. La vie de Jésus-Christ est surnaturelle. He even wants you to have that supernatural, both spiritual and physical, both sides. More than you even want to have it. But do we know the truth? La vie surnaturelle, lui, il veut ça de plus que... Il veut ça pour nous, mais est-ce qu'on veut savoir la vérité, connaître la vérité? C'est ça le problème. It's what you think about his kingdom. Mm. Est-ce que dans ton désir, il s'agit de Jésus-Christ et de son... Come to Jesus. Son royaume, que les gens viennent vers Jésus-Christ. Mm. You know your children are not safe and you don't even care about it. Mm. You know people... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en lui, qui n'ont pas de salut. For you are worried about their job, they are worried about maybe they don't have husband, they don't have wife, they don't have this, they don't have that. It's all you know, but you don't even, you know, the main thing, which is Christ, you don't even care. That's a woman's. I don't know if somebody's getting it. I know we have to grow. We are growing. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen.